ne cesse pas, voix dansante, parole de toujours murmurer, âme des mots qui écolore et dissipe les choses les soirs d'été où il n'est plus de nuit. Voix qui porte de l'être dans l'apparence, qui les mêle comme flocons de même neige, voix qui presque s'est tue lorsque le rêve demanda trop et crut presque obtenir, et qui jouera à clore nos paupières en se pressant riante contre nous, puis nous verrons ses signes sur le sable qu'égratigna en dansant son pied nu.